الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La semaine dernière, on avait terminé le chapitre de la prière de l'éclipse, Salatul Kusuf, et on avait entamé le chapitre de la prière de la pluie, qu'on avait terminé d'ailleurs. Qui nous récite le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari? Dernier hadith dans باب صلاة الكسوف تفضل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا حتى خشى أن تكون يخشى نعم يخشى أن تكون الساعة يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى فطال بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسله يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا. Dans le chapitre de la prière de la demande de la pluie, hadith d'Abdullah ibn Asim al-Mazini, qui l'a appris. Fadal Sophia. ماذا فعل وهو متجه إلى القبلة يدعو نعم حول نعم جهر فيهما بالقراءة أحسن بارك الله فيك الحديد أنس كي لا أبقي كي أبقي الحديد أنس عبد الحق حفظت حديد أنس il faut absolument le réciter celui-là j'avais insisté la semaine dernière dessus. Il est long, mais il faut absolument le réciter. La semaine dernière, j'avais, entre guillemets, sauvé l'embarcation quand j'ai récité le hadith de Aïcha. Cette semaine, le hadith de Anas, il faut que ce soit l'un d'entre vous qui le récite. Personne ? Taïb, qui prend l'engagement de le réciter pour la semaine prochaine s'il est encore vivant ? Hein? C'est le hadith 148. Qui? Au moins que j'ai un engagement que la semaine prochaine, j'aurai bien au moins une personne qui va pouvoir me le réciter. Sofiane Tayyib. Tayyib. Nous, inshallah. Qala al-muallif rahimahullah. Babu salat al-khawf. Laysa laha sababun illa al-khawf dararan aw safara. Wa hiya thabitatun bil-kitab wa sunnati wa l-ijma'a. وقد وردت بصفات متعددة وكلها جائزة وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفا عنهم فإن الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام ويختلف في ذلك باختلاف جهة العدو وقربه وبعده وشدة الخوف أو خفته. Donc l'auteur ouvre le chapitre de la prière de la peur. Et Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit « Cette prière n'a de cause que la peur, que la personne soit résidente ou en voyage, Et cette prière est rapportée dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'unanimité des savants. Elle était rapportée de différentes façons. Toutes sont autorisées. Et parce que cette prière a été légiférée comme miséricorde pour les prières dans ces moments difficiles et comme guise de soulagement vis-à-vis d'eux, il est préférable pour le prieur de choisir de ces différentes façons d'accomplir cette prière celle qui est la plus adéquate à la situation précise de peur. Et cela diverge en fonction de l'endroit où se trouve l'ennemi. Tout dépend si l'ennemi est proche, s'il est lointain, et si la peur est grande ou alors petite. الحديث التاسع والأربعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة رواه البخاري ومسلم. Le 149e hadith. Selon Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de la peur un certain jour ou pendant certains jours dans lesquels nous avons rencontré l'ennemi. Un premier groupe s'est levé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'autre groupe faisait face à l'ennemi. Il a prié, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a présidé la prière de ceux qui étaient avec lui. Il a présidé la première rak'at avec ceux qui étaient debout avec lui. Puis ils sont partis. Les autres sont venus et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec eux une rak'at. وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً. Puis les deux groupes ont rattrapé chacun une rak'at, une rak'at. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens général du hadith. المعنى الإجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شن الغارة عليهم عند اشتغالهم بالصلاة فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طائفتين طائفة قامت معه في الصلاة وطائفة جاءه العدو جاءه وطائفة وجاه العدو يحرسون المصلين فصلى بالتي معه ركعة ثم ذهبوا وهم في صلاتهم وجاءت الطائفة التي لم تصلي فصلى بها ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقامت الطائفة التي معه أخيرا فقدت الركعة التي فقضت الركعة الباقية عليها ثم ذهبوا للحراسة وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de la peur avec ses compagnons dans certaines batailles avec les polythéistes lorsque les musulmans ont rencontré leurs ennemis parmi les non-musulmans. Et ils ont peur et ils ont redouté, en rencontrant leur ennemi, que ceux-ci fassent une attaque alors qu'ils seraient en prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors séparé ses compagnons en deux groupes. Un groupe qui s'est levé pour prier avec lui, et l'autre groupe qui faisait face à l'ennemi, pour protéger les prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une raka'ah avec ceux qui étaient avec lui. ثُمَّ ذَهَبُوا وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ. Après avoir fait la première raka'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier groupe est parti tout en étant en prière. Il est parti faire face à l'ennemi. وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي لَمْ تُصَلِّي فَصَلَّى بِهَا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Puis, parce que le premier groupe qui a prié avec le prophète sallam une raka'a est parti face à l'ennemi, le groupe qui n'a pas encore prié est venu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une raka'a, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié combien de raka'at? Deux. فَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ أَخِيرًا. Et celle et le groupe qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a prié et qui a salué avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afwan. Le deuxième groupe, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait salué, s'est levé pour prier la deuxième raka'at qui leur manquait. Puis ils sont partis en face, faire face à l'ennemi. Et c'est alors que le premier groupe qui avait prié avec le professeur sallam est venu lui pour terminer la deuxième raka'at qui leur restait. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou pas? Le premier groupe, quand il est parti, ils étaient en prière. Ils étaient en prière, là. Ils combattent l'ennemi tout en étant en prière. Et c'est lorsque le deuxième groupe a prié la première raka'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a salué et qu'ils se sont levés pour terminer la deuxième raka'at, c'est là où le premier groupe qui avait prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu pour terminer leur deuxième raka'at. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan mashru'iyyatu salati al-khawfi 'inda wujudi sababiha hadaran wa safaran takhfifan 'ala al-ummati wa ma'unatan lahum 'ala jihad al-a'da' وأداء الصلاة في جماعة وفي وقتها المحدد. Premièrement, ce que l'on retient du hadith, que la prière de la peur est légiférée lorsque la peur est présente, que la personne soit résidente ou qu'elle soit en voyage, ceci en guise de soulagement vis-à-vis de la communauté et également pour l'aider lors du combat de l'ennemi. Et également, pour permettre aux musulmans de prier en groupe et à l'heure. Pour prier en groupe et à l'heure. Car la prière doit être accomplie à l'heure, même en temps de guerre. ثانياً, الاتيان بها على هذه الكيفية التي ذكرت في الحديث. مع زيادة تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي استزدتها من بعض طرق هذا الحديث. Deuxièmement, le retient de ce hadith qu'il est légiféré d'accomplir cette prière de la peur conformément à la description présente dans ce hadith, avec un plus, avec plus de précision que j'ai cité dans le sens général du hadith que j'ai puisé de différentes versions de ce hadith. Donc ici, le Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, nous cite que dans l'explication générale du hadith qu'il a apporté, il a ajouté des détails qui ne sont pas présents dans le hadith que l'on étudie actuellement, le hadith d'Abdullah ibn Omar, mais que le cheikh a pris dans d'autres versions du hadith. Quels sont ces détails que le cheikh a apportés en plus? Il Est-ce que dans le hadith, il est dit que le prophète sallam a fait le salam? Dans le hadith, je pense. On dit que le shir dans l'explication rapporte des détails, qu'il a pris d'autres versions, mais pour avoir un aperçu de ces détails dont fait allusion le shir ici, parmi ces détails, le fait que le prophète est salué, alors que cela n'est pas cité dans le hadith que l'on étudie actuellement. Quoi d'autre? Qu'ils étaient en prière, naam, qu'ils étaient considérés comme étant en prière alors qu'ils combattaient. Naam. Ça aussi, c'est un détail que le shir a apporté en plus de ce qui est dans ce hadith de Abdullah ibn Omar. Autre chose? Sans résident ou en voyage? Naam. Mais plus dans la description, en fait. Comment ils ont rattrapé? Par exemple, dans le hadith, il a été cité uniquement que chacun des groupes a rattrapé une rak'at. Mais, naam? Mais qui a rattrapé en premier? Le deuxième. Oui, mais ça, c'est pas dans ce hadith-là. Qui a rattrapé en premier? C'est le deuxième groupe. Que le deuxième groupe a rattrapé juste après le salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le premier groupe n'a rattrapé qu'une fois que le deuxième avait terminé. Donc tous ces détails ont été rapportés dans d'autres versions authentiques, bien sûr, de ce hadith. ثالثاً إن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للضرورة لا تبطل الصلاة. Troisièmement, le retient de ce hadith d'Abdullah ibn Omar que les mouvements en grande quantité qui sont faits dans pour le bien de la prière ou en cas de force majeure n'annule pas la prière. Car ici on a dit que le premier groupe était en prière et ils sont partis face à l'ennemi. Donc ils étaient amenés à combattre, donc à faire un certain nombre de mouvements, mais cela n'annule pas la prière. Cela n'annule pas la prière car c'est un cas de force majeure. رابعا الحرص الشديد على الاتيان بالصلاة في وقتها ومع الجماعة فقد سمح بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك. Quatrièmement, on retient ce hadith l'encouragement fort d'accomplir la prière à son heure et en groupe. Car si la prière de la peur a été autorisé, s'il est autorisé d'accomplir la prière de la peur de cette façon, c'est dans le but de protéger, dans le but de pouvoir faire sa prière à l'heure et en groupe. خامساً أخذ الأهبة وشدة الحذر من أعداء الدين الذين يبغون الغوائل للمسلمين. Cinquièmement, le retient de ce hadith, le fait de prendre ses dispositions et de se méfier des ennemis de la religion qui veulent le malheur et le mal pour les musulmans. Car le fait de prier de cette façon est considérés comme des précautions et des dispositions que l'on prend afin de nous préserver d'une attaque que pourrait lancer l'ennemi en voyant les musulmans faire leur prière. Al-Hadith al-Khamsoun ba'd al-Mi'ah. Le 150e hadith. An Yazid ibn Ruman, an Salih ibn Khawwat ibn Jubayr. عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم صلى بهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. سنو يزيد بن رومان سنو صالح بن خوات بن جبير. Il rapporte d'un homme qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Dhatul Riqa', la bataille de Dhatul Riqa'. Et on verra pourquoi elle s'est appelée Dhatul Riqa'. Et cet homme qui a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sahl ibn Abi Hathmah, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la bataille de Riqa', la prière de la peur. Comment s'est déroulée cette prière? Un groupe a fait un rang avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre était face à l'ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ceux qui étaient avec lui une rak'at. Puis, il est resté debout et ils ont terminé leur prière. Puis, ils sont partis. Ils sont partis faire face à l'ennemi. Le deuxième groupe est venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec eux une rak'at. ثم ثبت جالسا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté assis. Ils ont terminé leur prière, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le salam avec eux. Al-gharib, ذات الرقاع هي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها غطفان ومنازلهم بعالية نجد بين المدينة والقصيم وتوافقوا ولم يحصل قتال قيل سميت بذلك لانتقاب أرجلهم من الحفي فلفوها بالخرق. ذات الرقاع dans ce hadith fait référence à une bataille qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une région à l'est de Médine, entre Médine et Al-Qasim. Mais il n'y a pas eu de bataille, car ils ont trouvé un terrain d'entente. Et il a été dit qu'elle a été appelée Dhatul Riqa', car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient les pieds abîmés à cause du fait qu'ils marchaient pieds nus. Ils ont alors entouré leurs pieds de tissu. Et pour donner plus de détails par rapport à ce qu'a dit Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, cette rencontre ou ce déplacement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu dans la troisième année de l'Hégire, au début de la troisième année de l'Hégire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté tout le mois de Safar à cet endroit, comme je l'ai dit, qui au final, il n'y a pas eu de combat entre les musulmans et les non-musulmans. Et cet endroit est éloigné de Médine d'à peu près 120 kilomètres. Al-ma'na al-ijmali. Fi hada al-hadith yakunu al-adu fi ghayri jihati al-qibla. Lianna manazilahu fi sharq al-madina. ولذا صفت طائفة ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة بالذين معه ثم قام بهم إلى الثانية فثبت فيها قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة الباقية ثم ثبت جالسا وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم. Donc le sens général de ce hadith, dans ce hadith, l'ennemi n'est pas en direction de la Qibla. Car on a dit que cela a eu lieu au nord-ouest. C'est au nord-est, pardon, de Médine. Or, la Qibla, elle est au sud de Médine. Et lorsque Walida Safat Ta'ifa, un premier groupe a formé un rang derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre groupe faisait face à l'ennemi. L'ennemi que les prieurs ont laissé derrière leur dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec le premier groupe une raka'a. Thumma qama bihim ila thaniya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé avec eux pour la deuxième raka'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté debout, en laissant ceux qui étaient derrière lui faire leur deuxième raka'at. Ils ont terminé leur deuxième raka'at, ont fait le salam et sont partis face à l'ennemi. Donc le professeur Hassan est toujours debout dans sa deuxième raka'at. Le deuxième groupe arrive. Thumma sallamu, thumma ansarafu et jahalana. Et le deuxième groupe arrive. Le professeur Hassan prie avec eux sa deuxième raka'a à lui, qui est la première pour eux. Puis le prophète sallam s'assoit et reste assis jusqu'à ce que le groupe derrière lui fasse leur deuxième raka'a. Et lorsqu'ils sont assis et qu'ils ont fait le tashahhud, le prophète sallam fait le salam avec eux. Donc là, la différence entre la première façon citée dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, c'est que chaque groupe fait deux raka'at les unes après les autres. Chacun prie une raka'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en prie toujours que deux, sauf que là, les deux groupes font les deux raka'at d'affilée. اختلاف العلماء رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بأوجه متعددة قال ابن حزم صح منها 14 وجها وأفرد لها جزءا وقال النووي يبلغ وجوهها 16 وجها وقال ابن العربي 24 أما ابن القيم في كتابه الهدي فقال إنها 6 أو 7 أوجه وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من اختلاف الرواة أما الإمام مالك فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث وأما ما كثرت روايته من الأحاديث أما الإمام أحمد فقد سأله تلميذ الأثرم فقال قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها فكل حديث بموضوعه أو تختار واحدا منها فقال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا أختاره وقال الصنعاني وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله صلى الله عليه وسلم لتلك الصفات أما ابن القيم في الهدي فصح عنه 6 أو 7 أوجه أو 7 وجوه وسردها حسب حال العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعا لاختلاف حال العدو وقال السهيلي في كتابه الروض الأنف اختلف العلماء في الترجيح فقالت طائفة يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن وقال طائفة يجتهد في طلب الآخر منها فإنه الناسخ لما قبله وقال الطائفة يؤخذ بأصحها نقلا وقال الطائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف انتهى وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي وهو الذي تميل إليه النفس عملا بالأحاديث كلها وتيسيرا على المصلين عند تبدل أحوال العدو والله أعلم. Donc le Cheikh Al-Bassam rahimahullah cite la divergence des savants concernant cette prière de la peur et les différentes versions qui sont rapportées. Il dit, rahimahullah, que cette prière de la peur a été rapportée de façon diverse de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam ibn Hazm dit, 14 façons ont été rapportées de façon authentique, et il a même écrit un épître sur cela. Al-Imam Nawawi, rahimahullah, a dit, les façons d'accomplir la prière de la peur sont de 16. Ibn al-Arabi a dit, elles sont de 24. Quant à l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Hadi, qui est Zad al-Ma'ad, fi hadi ghayr al-ib, fi hadi khayr al-ibad, il dit que les façons d'accomplir la prière de la peur sont de 6 ou 7. Ensuite, l'imam al-Bassam, rahimahullah, cite l'avis des différents savants, l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, qui est de l'avis que c'est la façon citée dans le hadith de Sahl ibn Abi Hatma, le hadith que l'on étudie actuellement, qu'il faut prendre en compte. Il rapporte la parole de l'imam Shafi'i, qui lui a choisi le hadith de Salih ibn Khawat, qui est le même hadith que Sahl ibn Abi Hatma. L'imam Abu Hanifa et d'autres savants, il est rapporté d'eux que la façon qu'il faut prendre en compte, c'est celle qui est citée dans le Coran, dans Surat An-Nisa, et dans d'autres passages, ils disent qu'il faut choisir celle qui est la plus rapportée dans les hadiths. Quant à l'imam Ahmed, son élève Al-Athram l'a questionné, et il a dit, j'ai dit à Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, que dis-tu des hadiths rapportés dans la prière de la peur? Dis-tu que chaque hadith concerne une situation particulière, ou bien tu choisis un seul et même hadith? Il a répondu, أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. Celui qui met en pratique tous ces hadiths, cela est bon. Quant au hadith de Sahl, c'est celui que j'ai choisi. Et le hadith de Sahl, c'est le premier hadith que l'on a. Le hadith de Sahl. Non, le hadith de Sahl, on n'a pas cité. Quant au hadith de Sahl, c'est celui que je choisis. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى دي وكلام أحمد حسن. La parole de l'imam Ahmed est bonne en considérant que ces différentes façons sont rapportées de façon authentique de la part du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Quant à l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله, il cite 6 ou 7 façons d'accomplir la prière de la peur, et comme s'il choisissait, en fait, comme si l'avis de l'imam Ibn al-Qayyim était que chacune de ces façons était légiférée et que l'on accomplit les différentes façons en fonction des situations dans lesquelles l'on se trouve. Et Cheikh Al-Bassam cite la parole de l'imam Suhaili dans son livre Rawdul Anf, où il cite d'autres divergences des savants. Certains ont dit, l'on applique la façon qui est la plus proche de celle citée dans le Coran. D'autres ont dit, nous devons faire des efforts pour retrouver la dernière façon qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui abrogera toutes celles qui ont été accomplies auparavant. Et d'autres ont dit que l'on doit prendre en compte la version la plus authentique. Et d'autres ont dit, on les prend tous en fonction des situations de peur. Et Cheikh Al-Bassam conclut en disant, quant à ce qu'a choisi l'imam Ahmed et qu'a appuyé l'imam Ibn al-Qayyim, et qu'a cité Suhaili, c'est ce vers quoi penche, c'est ce vers quoi penche la personne en mettant en pratique tous les hadiths. Ceci afin de faciliter aux prières dans les différentes situations en lesquelles ils font face à leur ennemi. Donc l'avis que choisit l'imam al-Bassam et l'avis de beaucoup d'autres savants, c'est que toutes ces façons sont légiférées, les unes comme les autres, tant qu'elles sont authentiques, et que pour faciliter aux prières, eh bien, l'on choisit celle qui est la meilleure pour la situation dans laquelle l'on se trouve. ما يؤخذ من الحديث أولا فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة وأخذ الحذر من أعداء الدين. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est légiféré d'accomplir la prière de la peur. Et il y a dans cela une confirmation de l'obligation d'accomplir la prière en groupe. Et également de prendre garde vis-à-vis des ennemis de la religion. ثانياً الاتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهي مناسبة حيث العدو في غير جهة القبلة كالتي قبلها فكلاهما في ذات الرقاع إلا أنهما في وقتين فاختلفا. Deuxièmement, le fait d'accomplir la prière de la peur conformément à la description faite dans ce hadith, à savoir que l'ennemi n'est pas en direction de la Qibla comme dans le hadith précédent. فَكِلَهُمَا فِي ذَاتِ الرِّقَاحِ. Les deux hadiths ont eu lieu dans la bataille de ذات الرِّقَاحِ, sauf qu'elles ont eu lieu à deux moments différents. Pour cela qu'elles ont été accomplies de façon différente. Donc ici, ce que nous dit Cheikh al-Bassam, c'est que dans le hadith de Sahl ibn Abi Hathma, dans le hadith de Abdullah ibn Umar, ces deux ont eu lieu dans la bataille de Zad al-Riqah. Et on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté combien de temps? Tout le mois de Safar, de l'année 3 de l'Hégire. Et donc, que ces deux façons différentes ont été faites en fonction du degré de peur. En fonction du degré de peur. ثالثا وفيه مخالفة لصلاة الأمن وهي تطويل الركعة الأخيرة على الأولى وأن المأمومين الذين فاتتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام. Troisièmement, écoutez bien, il y a, on retient de ce hadith, que la prière de la peur est différente de la prière qui est accomplie en temps de paix. Elle est différente à deux niveaux. Premièrement, dans l'allongement de la deuxième rak'at par rapport à la première. Dans les prières en temps de paix, on a vu dans le livre de la prière que la première rak'at est toujours plus longue que les autres. Mais ici, dans la prière de la peur, la deuxième rak'at est plus longue que la première. Et également, l'autre différence, c'est que ceux qui prient derrière l'imam rattrapent leur prière avant le salam de l'imam. Ceux qui arrivent en retard en temps de paix, quand est-ce qu'ils se lèvent pour attraper leur prière? Après le salam. Et ici, dans cette prière de la peur, quand est-ce qu'ils rattrapent leur prière? Avant le salam. Car, au final, le professeur Hassam a fait le salam avec eux. Quand est-ce qu'a fait le salam le professeur Hassam? Avec le deuxième groupe. Après que ce deuxième groupe ait accompli sa deuxième rak'a. رابعا وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر وقد وردت المفارقة فيما هو أخف من ذلك كالذي صلى مع معاذ فلما أطال القراءة انفرد وأتم لنفسه لكونه صاحب حاجة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. Quatrièmement, il y a dans ce hadith la preuve que celui qui prie derrière l'imam a le droit de se séparer de l'imam pour cette cause. Ici, la cause, c'est la prière de la peur. Le premier groupe qui a prié avec le prophète sallam a prié la première rak'at avec le prophète sallam, la deuxième, il l'a prié tout seul et a fait le salam et a quitté la prière et donc a laissé l'imam alors que la prière n'était pas encore finie. Donc, on retient qu'il est autorisé de quitter l'imam pendant la prière pour cette cause de la prière de la peur. Et le fait de se séparer de l'imam a été rapporté dans la sunna du prophète sallam dans des situations moindres que la peur lorsque, comme celui qui a prié derrière Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal qui avait allongé sa prière. Et cet homme qui avait un besoin s'est isolé et a terminé la prière tout seul. Et c'est là où il est venu se plaindre à qui ? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, فَإِنَّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَذَا الْحَاجَةِ. Il y a derrière toi le vieillard, la femme et celui qui a des affaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à celui qui avait, à cet homme qui s'était séparé de la prière de Mu'ad pour terminer sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de la refaire. Donc, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré sa prière comme étant valide. طيب الحديث الحادي والخمسون بعد المئة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرف منه أنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. Il faut se concentrer là. Selon Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma, il dit: j'ai participé ou j'ai assisté à la prière de la peur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons tous formé des rangs derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ennemi étant entre nous et la qibla. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a fait le takbir et nous avons tous fait le takbir. Puis il s'est incliné et nous nous sommes tous inclinés. Puis il a relevé sa tête du recours et nous avons tous relevé nos têtes. Puis il s'est abaissé pour se prosterner, lui et le rang qui était juste derrière lui. Quant au deuxième rang, au rang qui était derrière, il est resté debout face à l'ennemi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé le sujoud et qu'il s'est levé avec le groupe qui était juste derrière lui, c'est alors que le groupe de derrière s'est abaissé pour faire le sujoud, puis ils se sont relevés. Et lorsque le deuxième groupe s'est relevé, ils se sont avancés et ceux qui étaient devant ont reculé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'inclinaison et ils ont tous fait l'inclinaison. Puis il s'est relevé, il a relevé sa tête de l'inclinaison et nous avons tous relevé nos têtes de l'inclinaison. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abaissé pour se prosterner, lui et le groupe qui était juste derrière lui, qui auparavant était derrière. فقام الصف المؤخر et le groupe de derrière est resté debout face à l'ennemi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé la prosternation lui et le groupe qui était derrière lui, alors le groupe de derrière s'est abaissé pour faire le sujoud, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le salam et nous avons tous fait le salam ensemble. Est-ce que c'est clair ? المعنى الإجمالي هذه الكيفية المفصلة في هذا الحديث عن صلاة الخوف مناسبة للحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ذاك من كون العدو في جهة القبلة ويرونه في حال القيام والركوع وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم. Donc le sens général du hadith, dans cette description précise présente dans ce hadith concernant la prière de la peur, elle était adéquate à la situation dans laquelle étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à ce moment-là, à savoir que l'ennemi était au niveau de la Qibla, était en direction de la Qibla. Donc il était visible en étant debout comme en étant en inclinaison. Et ils étaient préservés de toute forme d'embuscade qui pourrait venir de derrière eux. Donc ici, le professeur Hassan a prié la prière de la peur. Ils ont tous fait le qiyam et le recours avec le professeur Hassan. Pourquoi ? Car dans ces deux postures, debout et en inclinaison, comme ils avaient l'ennemi en face d'eux, ils le voyaient. Ils ne le voyaient pas que lorsqu'ils étaient en prosternation. C'est pour cela que lorsqu'un groupe était prosterné avec le professeur Asselam, l'autre était debout face à l'ennemi. Et on verra, Inch'Allah, par la suite, ce que le Cheikh dit concernant le fait que le premier groupe qui était derrière le professeur Hassam s'est reculé, celui qui était derrière s'est avancé. On verra pourquoi est-ce que cela s'est fait. Ma yukhadhu min al-hadith. Awalan salatul khawfi ala hadihi s-sifati al-madhkurati li wujud al-hali al-munasibati wa intifai al-mahadhir al-munafiyah. Premièrement, on retient de ce hadith que le fait d'accomplir la prière de la peur selon cette description. Selon cette description, en prenant en compte la situation, à savoir le fait que l'ennemi soit devant, en direction de la Qibla, et qu'aucune embuscade n'est possible venant de derrière. ثانياً الحراسة هنا وقعت في حال السجود فقط لأنهم في غير السجود يرون العدو وكلهم. Deuxièmement, la garde. Ici, a lieu uniquement en état de sujoud. Car en dehors du sujoud, ils voyaient tous l'ennemi. ثالثا قوله والعدو بيننا وبين القبلة مفهومه أنه لو كان العدو في غير القبلة لصلوا على غير هذه الصفة كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد منها مراعاة حال العدو وجهاته. Troisièmement, la parole de Jabir radiallahu anhu et l'ennemi était entre nous et la Qibla. On en comprend que si l'ennemi n'était pas en direction de la Qibla, ils auraient accompli la prière de la peur d'une façon autre, comme cela a été rapporté dans les deux hadiths précédents et dans les autres. Et nous avons dit que le fait que la prière de la peur puisse se faire de façon différente a un bénéfice qui est que cette description, cette façon de prier est choisie en fonction de la situation vis-à-vis de l'ennemi et de l'endroit où il se trouve. Rabi'an wa fihi bayan husn al-qiyadati wa tadbir al-juyush wa ib'adaha 'an al-makhawif wa mufaja'at al-a'da' wa ittikhad al-ihtiyatat fi dhalik. Quatrièmement, on tient de ce hadith la bonne gestion et l'organisation de l'armée afin de la repousser de toute situation dangereuse et de toute surprise de l'ennemi et le fait de prendre toutes les dispositions et toutes les précautions nécessaires. Khamisan wa fihi bayan al-'adl wa annahu mimma tahalla bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jami' ahwalihi faqad 'adala bainahum bil hirasa faj'alahum yatanawabuna fiha wa 'adala bainahum bis salah فكل من الطائفتين صلت معه ركعة وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه وهكذا شأنه في جميع أموره صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, on retient de ce hadith la justice et l'équité, et que c'était une caractéristique dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ensemble de ces situations. Il était équitable. Il a été équitable entre ses compagnons dans la garde. C'est-à-dire que pendant qu'un groupe était prosterné, l'autre était face à l'ennemi. Et dans le deuxième rak'at, pendant que celui qui était à la garde dans la première raka'at est en prosternation dans la deuxième. Au final, chaque groupe s'est prosterné et a été face à l'ennemi. فَجَعَلَهُمْ يَتَنَاوَبُونَ فِيهَا. Le prophète a fait en sorte qu'ils alternent la garde. Il a été juste avec eux dans la prière. Chacun des groupes a fait une raka'at avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été équitable avec eux dans le fait de se positionner juste derrière lui, sallallahu alayhi wa sallam. Car chacun de ces deux groupes a prié une rak'at derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Juste derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez tous que les premiers rangs sont les plus méritoires. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Khayru sufufi rijali » أولها. Les meilleurs des rangs des hommes sont les premiers. وشرها آخرها. Et les pires des rangs pour les hommes, ce sont les derniers. Et concernant les femmes, le professeur Sam a dit l'inverse. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers. Et les pires pour elles sont les premiers. Et ceci pour montrer que l'islam est venu pour interdire la mixité entre les hommes et les femmes et séparer au maximum les hommes et les femmes, même dans les meilleurs endroits sur terre qui sont les mosquées et même pendant l'une des adorations les plus méritoires qui est là, la prière. Si dans des endroits respectés, et en étant en pleine adoration, le prophète Hassan nous demande aux hommes de s'éloigner des femmes, que dire des situations autres, lorsque les personnes ne sont pas dans des mosquées et lorsqu'ils ne sont pas en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. سادسا وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت لا تخل في الصلاة كالتقدم إلى المكان الفاضل ونحو ذلك وتقدم حكم الحركة وأقسامها في حديث قصة حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة وهو الحديث الواحد والتسعون. Sixièmement, il y a dans ce hadith la preuve que les mouvements qui sont nécessaires, même s'ils sont en grande quantité, ne portent aucun préjudice à la prière, comme le fait de s'avancer vers un endroit méritoire. Le fait que le deuxième rang s'est avancé vers le premier. Et nous avons vu précédemment le jugement de ces mouvements et les différentes sortes de ces mouvements dans le hadith qui rapporte l'histoire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté sa petite fille au même pendant la prière et ceci lors de l'explication du hadith numéro 91. Faidatun hamma qala as-sun'ani wa 'inda ikhtilaf al-'ulama fi salati al-khawf wa hadha al-qawl wa huwa al-hadith idha sahha fa huwa madhhabi sahha 'an al-imam ash-shafi'i والصح أيضا عن أبي حنيفة ومالك وأحمد بل هذا معلوم أنه لسان حال كل مؤمن فإنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وقد قال من جهله قولا يخالفه فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل ما سواه بنص وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة وفي كلام الأئمة الأربعة وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلوم قطعا إلا أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال إن إمامهم ما وصل إليه الحديث الذي يخالف مذهبهم بل يقولون قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو مؤول أو نحو ذلك من الأعذار التي لا تنفق عند النقاد ولهذا أقول إن من اتبع إمامه في مسألة قد ثبت النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه لأنه قد صرح بأنه لا يتابع في قوله إذا خالف النص انتهى. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, apporte une remarque importante de l'imam al-San'ani, rahimahullah. Il dit, l'imam al-San'ani a dit, en parlant de la divergence des savants concernant la prière de la peur, il a dit ceci, le hadith est mon madhhab lorsqu'il est authentique. Cette parole, elle a été dite par l'imam al-Shafi'i, et elle a été dite également par l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik et l'imam Ahmed. Ces quatre imams ont tous dit, si le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Alors c'est mon école. Et ceci est connu, et c'est ce que croit tout croyant. Lorsqu'une chose est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est authentique, et qu'une autre personne qui n'a pas connaissance de ce hadith vient dire le contraire, quelle parole devons-nous précéder? Un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole d'une personne qui n'a pas connaissance de ce hadith, qui vient contredire ce hadith. Que devons-nous faire précéder? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela est connu de tout croyant. Et cela vient, c'est une mise en pratique de la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est même cela le sens de la croyance en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette parole des quatre imams, il y a une preuve qu'ils n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est connu, est clair, qu'une personne ne peut pas avoir toute la science et qu'une personne ne peut pas prétendre connaître tous les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que les ignorants parmi ceux qui les suivent aveuglément. Les ignorants parmi ceux qui suivent les quatre imams aveuglément. N'acceptent pas qu'on leur dise que ce hadith qui vient contredire leur madhhab, leur imam n'en avait pas connaissance. Et ils disent, au contraire, ils le connaissaient et ils savaient que ce hadith abrogeait ou que ce hadith était interprété de telle ou telle façon et d'autres excuses qui... Ici, le Cheikh a utilisé une expression, « La tunfaq inda al-nuqad ». Al-nuqad, ce sont ceux qui vérifient la monnaie. Et quand on donne de l'argent à un vérificateur de monnaie, c'est que à la base, quelque chose qui tient la route. On ne va pas donner quelque chose qui n'est pas fondé. On ne va pas donner de l'argent qui est douteux à un vérificateur de monnaie. Sa réponse sera claire. Ici, le Cheikh veut dire que ces excuses qu'ils apportent et ces arguments ne tiennent pas debout et ce ne serait pas quelque chose que l'on donnerait à un vérificateur de monnaie. « Wa li hadha aqul » Ici, l'imam San'an dit, c'est pour cela que je dis que celui qui suit son imam dans un sujet... alors que le texte vient prouver le contraire de ce qu'a dit son imam, alors dans ce cas, il n'est pas considéré comme suivant son imam. Car son imam a dit qu'il ne doit pas être suivi lorsque sa parole vient contredire le hadith. Les quatre imams ont dit cela. Lorsque le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Donc ceux qui suivent véritablement les quatre écoles, ce sont ceux qui se conforment au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque la parole d'un imam vient contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sans aucune hésitation, on doit mettre en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi se termine le livre de la prière de ce matin, Umdat al-Ahkam. Donc, alhamdoulilah, on a terminé le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et le livre de la prière. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on entamera le livre des funérailles, Kitab al-Janaiz. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.